La muse vénale. Ô muse de mon cœur, amante des palais, auras-tu, quand janvier lâchera ses borées durant les noirs ennuis des neigeuses soirées, un tison pour chauffer tes deux pieds violets? Ranimeras-tu donc tes épaules marbrées aux nocturnes rayons qui percent les volets? Sentant ta bourse à sec autant que ton palais, récolteras-tu l'or des voûtes azurées? Il te faut, pour gagner ton pain de chaque soir, comme un enfant de cœur, jouer de l'encensoir, chanter des tédéums auxquels tu ne crois guère, ou, saltimbanque à jeun, étaler tes appas et ton rire trempé de pleurs qu'on ne voit pas, pour faire épanouir la rate du vulgaire.